On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I play the drums. On the rocks. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Vous êtes en train d'écouter On The Rocks. Je ne sais pas comment. À la limite, je ne veux pas le savoir. Mais ce que je veux savoir, c'est si vous allez prendre du plaisir dans les deux heures qui vont venir. Vous écoutez On The Rocks soit en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, c'est normal, on est lundi. Il est 19h, 19h, 21h, ce sont les nouveaux horaires d'On The Rocks sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est toujours Manu qui anime, bien sûr, depuis 27 ans, 28 ans maintenant, je ne sais plus, je ne compte plus. Vous écoutez peut-être On The Rocks aussi sur Zef à Blois en rediffusion. Vous écoutez peut-être On The Rocks sur OnTheRocks.net. Vous écoutez peut-être On The Rocks dans votre voiture. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, vous écoutez On The Rocks et vous avez bien raison. Ce soir dans On The Rocks, plein de nouveautés. Et on va commencer l'émission avec des morceaux qui vont vous donner la pêche, qui vont vous mettre de bonne humeur. Et ça fait du bien par le temps qui fait et par les temps qui courent. Diggy Big Feet! I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. On The Rocks, émission déconfinée, décomplexée et rock'n'rollesque. On commence avec une victime un peu du confinement. Oui, un groupe un peu victime du confinement. C'est un groupe qui était passé à Saint-Jean-de-la-Ruelle au Grand Unisson il y a quelques années, qui était absolument fabuleux. Le groupe de rock 60s très échevelé et très enlevé qui s'appelait The Animen. Ils ont sorti des albums vraiment fabuleux. Et là, ils ont eu l'idée de sortir leur dernier album pendant le confinement. Alors bon, certains ont repoussé, comme Robert Smith et Secure, et eux ont décidé voilà, de le sortir pendant le confinement, en plein mois de mars. Ça a fait du dégât, puisque ça n'a pas eu beaucoup d'écho, effectivement, cet album des Animen. Si on va sur leur site, sur leur Facebook, ils disent, si vous achetez des albums par notre site, il risque d'y avoir quelques petits retards dus au Covid, etc. Bon, forcément, c'est passé un petit peu plus inaperçu. Alors, on va se passer un morceau de cet album des Animen que si vous avez vu sur scène à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Grand Unisson, forcément, vous avez été conquis. C'est le morceau qui s'appelle Kill Your Darlings. C'est un morceau mal embouché pour commencer l'émission. Un peu bancal, un peu 60s, un peu euphorisant, mais un peu mal élevé, qui nous caresse plutôt à rebrousse-poil, mais c'est quand même avec un son et une intensité qui est celle des Animen, groupe que l'on suit et que l'on soutient dans The Rocks depuis longtemps. Voici donc le premier morceau ce soir, The Animen, Kill Your Darlings. On The Rocks back the clocks, I wanna steal that hour and watch the frozen world from the water tower. With the hand in my hand, no one to say we can. On the day they turn back the clocks, baby, that's my plan. The birds mid-flight, we're stuck satellite. We're picking raindrops, the only ones alive. There's no rules today, it's time that we did something. Come on, can't you see? We could be the real-time menacing. I wanna be out there, far from the voices keeping me down. Pendulum thieves. On the day they turn back the clocks, I wanna steal that hour and go back to that fight we had in your brother's car. And put your hand in my hand and ask for another chance. On the day they turn back the clocks, I'll show you who I am. Blue Jay, singing your name. I spent too long, too far away. There's no rules today. It's time that we did something. Come on, can't you see? We could be the real time in a singer. I wanna be out there. Far from the voices keeping me down. Let's be the pendulum thieves. Every minute, a new beginning. All we know could change and grow. The future's brittle, time's not written. All we know could change and grow. Le garçon qui vient de chanter à l'instant dans The Rocks est un déjà fait figure de vétéran, deuxième album, tout ça. Il a mis du temps à sortir ce deuxième album qui est très beau avec une très belle pochette et puis l'intérieur et ce qu'on se met dans les oreilles est très bien aussi. Vous venez d'en avoir un aperçu à l'instant avec un extrait de cet album. Ça s'appelle Pendulum Thieves, c'était le nom du morceau. Il s'appelle Sammy Brew et il fait déjà figure de vétéran et pourtant il n'a que 19 ans. Lorsqu'il a sorti son premier album, c'était en, alors je ne sais plus, 2015. En 2015, il avait 14 ans. Voilà. Et donc c'était une grosse claque parce que c'est un album d'une maturité incroyable et vraiment, vraiment très, très bien. Eh bien, là, il récidive avec ce deuxième album sorti à l'âge de 19 ans. Pendulum Thieves, je vous conseille vraiment Sammy Brew, c'est vraiment très, très bien. Voici quelqu'un qui est quand même, lui, un peu un groupe un peu plus vieux routier du rock'n'roll, puisqu'il existe depuis 2006. Voilà, il a sorti, je crois, 11 albums depuis, donc il n'arrête pas. C'est White Denim, il vient de sortir le... Enfin, c'est un groupe, hein, qui vient de sortir son dernier album, qui est vraiment, vraiment très, très bien. I don't understand rock'n'roll, je ne comprends pas le rock'n'roll, mais mon pauvre vieux, il fallait donc écouter On The Rocks tous les lundis soirs, et là, tu aurais peut-être mieux compris le rock'n'roll. Voici une nouveauté encore dans On The Rocks. Je parle pas beaucoup, parce que j'ai plein de trucs à vous faire écouter ce soir, il y a plein de nouveautés. C'était super. Donc White Denim avec I Don't Understand Rock and Roll. straight down into nothing. And sometimes I float, oh, right up into the ceiling. But it keeps getting harder and harder to make it on my own. But I try, yeah. I got my best shirt on. Another one just like it hanging in my closet. My best shirt on. You can try it on for size. I think you're gonna like it. And sometimes I'll do anything for a and I comb my hair in the mirror like a man on a mission. I thought that I might find you here after you close the store. I'm still waiting. I got my best shirt on. My closet, my best shirt on. Yeah, you can try it on for size. I think you're gonna like it. I got my best shirt on. Another one just like it hanging in my closet. My best shirt on. You can try it on for size. I think you're gonna like it. Another one just like it hanging in my closet. Try it on for size, I think you're gonna like it. Des nouveautés à plus savoir qu'en faire dans The Rock ce soir. Il y a d'abord eu White Denim avec I Don't Understand Rock and Roll et à l'instant encore un vieux briscard puisqu'il était le leader de Green on Red. C'est Chuck Prophet qui sort son dernier album Best Shirt On. C'était un extrait donc de cet album qui vient de sortir. J'espère que vous êtes bien calés et je vais essayer de vous donner un petit peu de vitamine E, c'est ça, la vitamine du soleil, je sais plus. En tout cas, un peu de soleil là avec la musique en ce début dans The Rock. C'est avec ce morceau qui pour moi est le meilleur morceau de la semaine. Je l'écoute en boucle, il me fait vraiment un bien fou. Si on écoute le couplet, bah, ça ressemble aux Pixies, et puis si on arrive au refrain, bah, ça peut ressembler, je sais pas, du Cooks première période, à du Jet, à du, je sais pas, en tout cas des choses qui faisaient plaisir. C'est un artiste que moi je découvre avec ce morceau et cet album, alors pourtant il tourne depuis un moment. Il s'appelle Mondo Cosmo, c'est évidemment un pseudonyme, hein. C'est pas monsieur et madame Cosmo qu'ont appelé leur enfant Mondo, mais en tout cas, voilà, il sort cet album et ce morceau qui est vraiment génial, ça s'appelle Kicks Positively Montauk, et voilà, et en tout cas Kicks, hein, ça va plus vite comme morceau, et c'est un morceau que je dédie à la meilleure amie que j'ai à moi, et meilleure auditrice en même temps, donc ça tombe bien, la Duduche. I believe in superstitions. Back to freckles on your face. I don't mind if you don't mind. if you've got the time, stick with me, sweet Murray. The floor is ours and these kicks are free. Une nouveauté qui vraiment fait du bien à l'instant. On s'est déjà diffusé un morceau il y a 15 jours dans The Rock. C'était Mankind avec No Doubt In My Mind. Et juste avant, c'était Mando Cosmo avec Kix. Morceau absolument jubilatoire. Voici un groupe aussi qui, moi, était passé inaperçu chez moi, que je viens de découvrir. Et franchement, ça donne envie de fouiller. C'est un groupe qui, je crois, au départ, était spécialisé dans les reprises des Beatles. Ça s'entend énormément lorsqu'on vous allez écouter le morceau. C'est un groupe de ce qu'on appelle du power pop. C'est un groupe très, très influencé influencé par les 60s et les Beatles première période, qui ont donné évidemment les Nerves, les Plimsolls, etc., les Cars à leur début, enfin beaucoup de choses comme ça. Et puis voilà, il y a ce groupe qui s'appelle The Weaklings. Ils viennent de sortir un troisième album qui s'appelle Three, je crois que c'est leur troisième, ça serait logique en même temps. Alors c'est, voilà, c'est très très Beatles, même l'harmonica fait penser à l'harmonica de John Lennon. Puisqu'on parle des Beatles, j'ai pas prévu d'en diffuser ce soir, quoique, on va voir. Mais en tout cas, je vous conseille de lire un bouquin absolument fantastique il y a quelques années maintenant, qui s'appelle En studio avec les Beatles, qui a été écrit par celui qui a été leur producteur, non pas leur producteur, pardon, l'ingénieur du son depuis l'album Revolver, mais qui était là depuis les tout premiers enregistrements, alors que c'était un gamin, il avait 15-16 ans, il était employé dans les studios EMI, et donc il raconte les Beatles par le petit bout de la lorgnette, ce qu'on n'a jamais raconté, ce qu'on n'a jamais vu dans les studios, le caractère de chacun, les susceptibilités. Voilà, il confirme que le génie musical, c'était vraiment Paul McCartney, John Lennon aussi, et puis que bah, George Harrison, s'il était sous-estimé, il y avait peut-être une raison, que c'était un peu laborieux. Voilà, enfin, tout ça est assez vraiment passionnant à lire. Moi qui croyais tout savoir ou à peu près tout sur les Beatles, et ben là, j'en découvre à chaque page. Donc, ça s'appelle... Alors, si vous pouvez écouter les morceaux des Beatles à chaque fois qu'il décrit l'enregistrement au casque, c'est vraiment fabuleux. Je vous conseille donc ceci. Ça s'appelle En studio avec les Beatles. C'est paru, je crois, à la maison d'édition, Le Mot et le Reste. Pour l'instant, voici donc les Weaklings qui surfent sur cette période Beatles première période, mais c'est une nouveauté, ça vient juste de sortir il y a quelques semaines et le morceau s'appelle Three. Ils ne sont pas de Liverpool, ils sont du New Jersey. Hey! master, a college kid. Boy, I sure do miss it. Don't lose that girl. Don't lose that girl. How far would you go to see her smile? Would you drive? Peut-être que ce son de guitare, ces voix entremêlées vous disent quelque chose. Il y a un bout de votre cerveau reptilien qui se dit « ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à voir quoi, mais en tout cas, j'ai déjà entendu ça quelque part, au moins cette ambiance-là ». Eh bien oui, vous avez entendu ça quelque part et vous l'avez entendu de maintes fois, puisque je suppose que comme tout le monde, vous vous êtes régalé devant les épisodes de Friends. Et le générique de Friends était composé par un groupe qui s'appelait The Rembrandts. Ils n'ont pas composé, je crois, le générique spécialement, il a été pris dans leur discographie. Eh bien, c'était les Rembrandts à l'instant, ceux qui avaient évidemment chanté et composé le morceau I'll Be There For You. Eh bien, c'était How Far Would You Go, toujours cette maîtrise des harmonies vocales, de cette fraîcheur chez les Rembrandts. Alors on voit les photos, forcément ils ont un petit peu vieilli, c'est un petit peu plus pépère, mais ça reste toujours très très bien. Et puis juste avant, c'était The Weaklings avec Three. Allez, voici encore un de mes groupes préférés du moment et un de mes groupes préférés tout court. À chaque fois qu'ils sortent un album, je me dis ah mais oui, c'est vrai, je les avais un peu oubliés ceux-là, et à chaque fois je retombe dedans et c'est fantastique. Ça sent bon le soleil californien. Le groupe s'appelle Woods. Petite nouveauté sur le dernier album qui vient de sortir, il y a toujours ces harmonies vocales célestes, il y a toujours ces guitares cristallines qui peuvent évoquer les Birds, mais il y a des claviers qui sonnent un petit peu plus comme des groupes de New Wave anglais, peut-être un petit peu à la Cure, et le mélange de tout ça, et ben ça donne le dernier album de Woods. On s'est déjà passé des morceaux dans On The Rocks. Voici un nouvel extrait, ça s'appelle Can't Get Out. Et si vous ne connaissez pas Woods, vraiment vraiment allez-y, tout est bon. Tous les albums sont comme ça, avec cette voix au perché reconnaissable entre mille. Vous êtes dans On The Rocks, voici encore une nouveauté, ça s'appelle Woods. We'll be right back. keeps you standing there. Day by your side, blood in the air. Then the face let down, left you hanging there. Style, but she doesn't care, she just needs somewhere to lay down for a while. she can't go home and she can't be alone. There's no place in this world. But she can tune it out by thinking about that happy little girl. Yeah, now she's hanging on. Oh, dear life, she's got her hanging on. Oh, dear life. From a tour in Iraq, and he was lucky to be alive. But he wasn't the same, and the nightmares came, and he lost his 9 to 5. His friends all said he wasn't right in the head, and he just couldn't cope anymore. Left his wife and his kid, now he's off the grid, fighting a different war. Ooh, barely hanging on. For dear life, got him hanging on. Oh, dear life, dear life, dear life. Oh, dear life, he's got him hanging on. Some days it comes over me, and I can barely breathe. All this beauty pressing down. Got me hanging on. Brendan Benson tiré de son dernier album Down the Rocks avec Dear Life. Alors il y a des morceaux où Brendan Benson fait du Brendan Benson et là c'est vraiment bien. Et puis il y a des morceaux sur le dernier album où il essaye de faire plutôt du Jack White, son compère des Raconteurs, et ça lui va moins bien. Il est mieux dans la mélodie plutôt solaire et lumineuse. C'est ça qu'il apporte dans les Raconteurs et c'est ça qu'il apporte sur ce morceau Dear Life, et je le préfère largement comme ça. Et juste avant c'était Woods où là il n'y a rien acheté. Can't Get Out. Allez, on va encore se passer un extrait du dernier album de Dry Jacket. Je ne connaissais pas non plus ce groupe avant cet album là. C'est une sorte de power pop, mais moins sucré, moins ensoleillé, un peu plus sèche, un peu plus rêche. Mais il y a quand même des harmonies vocales assez délicieuses sur cet album. On va se passer donc un extrait du dernier album de Dry Jacket. Ça s'appelle Cattle Catcher et c'est dans The Rocks. Life around, or I could sleep on the train tracks. A cattle catcher. can't stop singing about five. Overdramatic, you say, I have a feeling you may be right. But all my heroes, they write songs for the ones they admire. At the end of the day, they're never the ones that pay the price. We all sit on this world alone. We just want. D'où l'importance de bien regarder les noms. Parce que là, moi, j'ai vu Wallflower. Je me suis dit, waouh, un nouvel album des Wallflowers. Le groupe de Jacob Dylan, le fils de Bob Dylan. Ça doit être génial, surtout que j'adore sa voix et ça fait longtemps qu'il n'a rien sorti. Vite, vite, courons dessus. Et en fait, j'écoute, je me dis, alors c'est dingue, il ne chante plus du tout comme avant. Et puis, bon, c'est sympa, mais ça ressemble quand même à du gros rock années 90, un peu avec des morceaux sympas comme ce On and On qu'on vient de se passer, mais d'autres trucs un peu plus putassiers, on va dire. Bon, j'étais un petit peu déçu quand même hein, par les Wallflowers. Et bien voilà, c'était pas The Wallflowers, c'était Wallflower, tout court, sans S et sans E devant. Et bien ça change tout, mais en tout cas, bon, c'est quand même sympathique. Wallflower, c'est une nouveauté avec On and On. Et juste avant, c'était Dry Jacket avec Cattle Catcher. Vous êtes toujours dans On The Rocks. Et maintenant, on va se passer à nouveau un morceau de Matthew Sweet et Susanna Hoffs. Susanna Hoffs, c'était la chanteuse des Bangles et ex-petite amie de Prince, hein, pour ceux qui aiment les potins. Et bien, ils se sont mis ensemble pour faire une quantité astronomique de reprises rock'n'roll qui vont des Clash aux Beatles, des choses un peu plus obscures des années 60. Et bien voici justement une petite sucrerie des années 60, ça s'appelle Different Drum, repris par ces deux-là. Alors si vous étiez lucide à peu près ou majeur dans les années 60, peut-être que vous allez reconnaître. Et puis pour les autres, bah, vous allez découvrir ce morceau, enfin, sauf si vous êtes évidemment Hugolin qui lui était déjà bien âgé déjà dans les années 60. Il vivait une histoire torride avec Jeanne Calment, et donc un morceau que je dédie donc à Hugolin et à Jeanne Calment, si elle nous entend. Et à Hugolin, c'est un petit peu, c'est des gens qui sont un petit peu âgés. Drum. Oh, can't you tell by Some of us don't know why. l'instant, c'était évidemment le morceau d'In Excess tiré de l'album Kick, le meilleur album d'In Excess, qui a mal vieilli, bien sûr, au niveau du son, mais pas au niveau des morceaux. Quand même, quelle mort stupide, hein, le chanteur d'In Excess. Quand même ballot, hein, faire des galipettes, et puis tiens, on va s'étrangler pour faire des galipettes, et puis hop, on meurt étranglé. Ça, c'est ballot. Hein. Faut être souple, mais c'est ballot. The National, donc, avec Never Tear Us Apart. Il manquait le saxo, quand même. Le saxo qui fait au milieu, c'était quand même bien dans les années 80. Et Matthew Sweet et Susanna Hoffs avec Different Drums. C'était The National, je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit, qui reprenait donc ce morceau d'In Excess sur une compilation dont les bénéfices iront aux victimes des incendies qui ont ravagé l'Australie. C'était avant le coronavirus, ça nous paraît très très loin. Tout ce qui est avant le coronavirus nous paraît très très loin. Donc voilà, c'était très très loin. On va calmer un petit peu le jeu maintenant dans The Rocks avec un morceau d'un album assez étonnant. C'est une artiste qui s'appelle, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais son groupe, son pseudonyme en tout cas, c'est Whim, W-H-I-M, Whim, et elle a sorti un album qui a deux facettes. La première facette, c'est plutôt du rock underground, un peu sec comme ça, pas beaucoup d'arrangements, à peine la basse un peu très sèche et puis la guitare claquante. Et puis il y a des morceaux acoustiques où là elle révèle une autre face de sa personnalité qui moi me touche énormément. Et elle a sur cet album sorti deux morceaux qui s'appellent New York. New York Part 1 et New York Part 2. Alors moi, comme je suis malin, puis que je fais de la radio le lundi soir sur On The Rocks, que ça s'appelle, eh ben je me suis dit, tiens, si on enchaînait ces deux morceaux, New York Part 1 et New York Part 2, c'est logique, alors qu'ils ne sont pas enchaînés sur l'album, ils sont un peu distants de quelques morceaux. Et puis comme je suis encore plus malin et que j'ai l'esprit un petit peu comme ça, logique, et bien sur le dernier album de Robert John and the Rake, ce groupe de rock sudiste qui nous sort des morceaux très très bien et qui m'avait failli me rendre très très sourd à Orléans lorsqu'ils étaient passés, et bien il y a un morceau qui s'appelle Last Light on the Highway, One, Part 1, et Last Light on the Highway, Part 2. Alors je me suis dit, papa, je vais les enchaîner. Et puis je vais enchaîner les deux. Je vais enchaîner Whim et Robert. Donc c'est un enchaînement d'enchaînement. C'est assez technique. Bon, alors voici Whim, donc tiré du dernier album, avec New York Part 1 et N Part 2, suivi de Robert John and the Rake, avec un très très long morceau à tiroir, à la fois acoustique et à la fois épique en son milieu, qui s'intitule donc Last Light on the Highway. Vous avez le temps de vous installer confortablement, ça va durer un petit moment. You drained all my blood and left my corpse side of the road. I lay cold and dark in my eyes. They weren't even closed. And time wore a black coat that was just like yours. And I cried out, please open another door. Time just turned its head and walked away. So here on the ground is where I'll stay. My head filled with sand and my mind tumbled into the sea. Then I lost my path and the road under my feet. And time wore a black coat that was just like yours. And I cried out, please bring me to life once more. But time just turned its head and walked away. So here on the ground is where I'll stay. Thank you. set fire to the sky. New York, you ate me alive. Guess I'm lucky that lucky I survived. Brooklyn, I called you my home. That is the place I curled up and told myself I'm not alone, even though I was lying in a pool of my own blood. So, oh, tilt your head back, now keep your head down. This is the driest place that I could have drowned. Oh, tilt your head back, now keep your head down. This is the driest place that I could have drowned. Stars always looking down. Manhattan, that was my street. There was a bar and a little shop that was known for its packaged meat. On Sundays I'd wash all my clothes at the place on 19th that we just met before they closed, and walked back home and told myself that I'm not alone. So, oh, tilt your head back, your head down. This is the driest place that I could have drowned. Oh, tilt your head back and keep your head down. This is the driest place that I could have drowned. Your soul isn't lost and found. My breath, a taxi, then onto a plane. I closed my eyes, I wasn't sure if I'd see you again, but I changed even after just 10 days. So, oh, tilt your head back, now keep your head down. This is the driest place that I could have drowned. Oh, tilt your head back, now keep your head down. This is the driest place that I could have drowned. The stars always looking. We'll be right back. Last Light on the Highway. À l'instant, c'était Robert John and the Wreck, Part 1 and Part 2. Et juste avant, encore Part 1 and Part 2, c'était New York, tiré du dernier album de Wham. Il y avait de la guitare acoustique pour finir ce morceau de Robert... de... Ça y est, j'ai perdu le nom. Robert John and the Wreck, pardon. Eh bien, voici un extrait du dernier mini-album de Joshua Radin, qui était parti faire des petites expérimentations, comme tous ces jeunes gens qui jouent la guitare acoustique en pleurant des grosses larmes dessus. Ben, il y a des moments où ils disent « Allez, moi, je vais essayer de faire un petit peu de la bidouille électronique. » Et puis, ils reviennent à leurs premières amours et ça leur va très bien. Alors voilà, si vous voulez avoir le moral et sautiller partout, je vous conseille d'aller écouter quelque chose d'autre en attendant. Mais pour l'instant, voici donc Joshua Radin avec toujours sa voix à fleur de peau, Here Right Now, tiré de son dernier EP, et franchement, eh ben, il le fait toujours aussi bien. I've seen much more than most, much less than some. Took a while to give up the ghost, I thought it'd never come. There were times blood on my hands and I tried to wash away. Outside the lines I couldn't stand without a soft voice to say that I'm here right now, not lost but found, and everything I've done has brought me to you. I got a scar, but don't try to hide it, it's forever mine. I got a heart, so long to find it, I can't remember why. You'll never know what you can be till you come to realize. In the rear view, all that has hurt you, it's just a passerby. Cause you're here right now, not lost but found, and everything I've done has brought me to you. I hope my head high, you can see it in my eyes. I won't turn away. If the darkness comes, I'll stay. I'll stay, 'cause I'm here right now, not lost but found, and everything done has brought me to you. I'm here right now, not lost but I'm found, and everything I've done has brought me to you. Yeah, everything brought me to you. Originally understood. Mes albums préférés du moment à l'instant, c'était l'album de Stu Larsson, deuxième album je crois de Stu Larsson, qui est vraiment vraiment magnifique. Il y a des choses un tout petit peu plus soutenues au niveau du rythme, mais la plupart des morceaux sont comme ça, très tranquille, très mid-tempo et vraiment limpide. Voilà, je vous conseille vraiment cet album de Stu Larsson. On s'est déjà passé quasiment la moitié de l'album et ça va continuer dans The Rocks. Là, c'était le morceau Here Right Now. Et juste avant, c'était Joshua Radin avec Here Right Now. Je le dis deux fois le morceau, ça doit pas être ça. Vous allez avoir un problème. Stu Larsson, ça devrait pas être Here Right Now. Ça, c'était Joshua Radin. Voilà, donc le titre de Stu Larsson m'échappe. Vous l'aurez sur la playlist d'On The Rocks sur le site ontherocks.net dès que l'émission sera en ligne. C'est-à-dire, allez, mercredi, on va dire, dans émission récente. Voici un groupe donc suisse qu'on s'est déjà passé dans The Rocks, qui a été une petite claque de ces dernières semaines pour moi. Il s'appelle Black Sea Dahu, le Dahu de la mer Noire. Et voilà, si vous aimez les ambiances à la fois un peu acoustique aussi, ouais, un peu acoustique, un peu tranquille, mais une intensité dans la voix qui n'est pas sans rappeler Jeff Buckley parfois. Voici le morceau In Case I Fall For You. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous ce Black Sea Dahu. Ils seront en concert à Hop Hop Hop si Hop Hop Hop a lieu, et j'espère qu'Hop Hop Hop aura lieu. Ils seront donc en concert à Hop Hop Hop, ce sera à la rentrée. On en reparlera probablement avec Mathieu Dufaux lorsqu'on pourra à nouveau accueillir des invités dans On The Rocks, puisque ben voilà, pas de Sylvain Trémo, pas de Mathieu Dufaux, pas d'invités musicaux dans les studios puisque conditions sanitaires obligent. Je suis seul tous les lundis soirs de 19h à 21h, mais pas tout à fait seul puisque vous êtes de l'autre côté du poste, et surtout on a Black Sea Dahu avec nous ce soir, In Case I Fall For You, et tout est joli et magnifique comme ça chez Black Sea Dahu. Really wanted to be real. did I become? Mrs. Robinson, I was just a girl, now I'm a woman. Just kidding, life has just begun. Used to be the youngest in the room. Don't know when it happened, but it happened way too soon. Now they call me Mrs. while I'm contemplating kisses. And a Mrs. gotta have a little class. When did I become Mrs. Robinson? Used to like him old, now I like him young. Just kidding, I like everyone. But to flirt with some would now be indecent. So a woman's gotta keep it where a woman's gotta keep it. I remember what it's like to be 18. All those over 30 all look the same to me. But people don't ever really change. We all want to remain players in the game. But you gotta keep your schnapps more tightly under wraps and set a fine example for the young ladies and chaps. When did I become Mrs. Robinson? I was undercooked, now I'm overdone. Just kidding, I'm still having fun. So come on over, son, 'cause life has just begun for me, Mrs. Robinson. La voix androgyne et un peu déglinguée de Michel Gervich tirée de son dernier album Mrs. Robinson. C'était le morceau, non pas celui de Simon et Garfunkel, mais bien celui de Michel Gervich. Si vous aimez ce style, tout l'album est comme ça. Alors sur la longueur, ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu redondant, mais morceau par morceau, ça a vraiment de la gueule. Et puis juste avant, c'était Black Sea Dahu. Alors là, tout est bien. In Case I Fall For You. Rendez-vous à Hop Hop Hop bientôt à l'automne pour les voir en concert. Ce sera, si tout va bien, dans la salle de l'Institut sous les dorures du conservatoire. On va revenir à une nouveauté, à quelqu'un qui était passé à l'Astrolabe pour un concert très décevant à mon goût. Et le public était très décevant à son goût à lui. Et il est allé voir Mathieu Dufault, programmateur de l'Astrolabe, à la fin en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce public qui ne réagit pas et qui a l'air de s'ennuyer ferme ?» Mathieu Dufault, lui, avait adoré le concert. Moi, j'avais trouvé ça profondément ennuyeux et un peu prétentieux. Ça jouait très bien, mais c'était sans contact avec le public et puis un peu soporifique. C'était Giant Sound, qui pourtant ont sorti de bien beaux albums. Eh bien, le chanteur de Giant Sound, qui s'appelle Howie Gelb, revient avec un album qui est peut-être l'album le plus déprimant de l'histoire des albums déprimants. Vous prenez un piano à peine accordé, une voix de spectre comme ça qu'il pose dessus, et puis c'est ça pendant tous les morceaux de l'album. C'est lugubre. Alors, certains vont adorer, bien sûr. Moi, j'aime morceau par morceau, mais alors tout l'album, ça donne envie quand même de se mettre la tête dans le four. Howie Gelb avec Crutching, s'est tiré donc de son dernier album, mais juste un prétexte pour enchaîner avec un morceau du superbe album qui vient de sortir de Joanna Sherton, qui m'avait fait l'honneur de venir dans les studios ici parler et jouer quelques morceaux. Le dernier album de Johan est une petite merveille où sa voix n'a jamais été aussi émouvante. Behind Closed Doors. Et puis, puisqu'on sera sur notre lancée, on continuera dans le piano et dans les voix, mais cette fois pas des voix graves et masculines comme les deux premières, mais une voix de une demoiselle qui s'appelle Hey Hey Williams et qui interprétera le morceau I'm Fine. Alors I'm Fine, je vais bien, c'est pas vraiment ce qu'on dirait de Howie Gelb quand on écoute son dernier album qui fait ceci. There's a time to lean on when you need a crutch. If you can believe on when it's all too much. You can try screaming under the stars at night, but I plan can visit when you're all alone in the room. It's partly exquisite and partly gloom, but there in the shadow line you feel most alone, comforted and taking my hand. And we walk on, we walk on. We walk on. Thank you. Petits oiseaux pour terminer le morceau de Hey Hey Williams avec I'm Fine. Juste avant, c'était Johanna Sherton avec Behind Closed Doors et puis Howie Gelb, le sautillant, avec Crutching, le leader de Giant Sand. Allez, on va continuer avec encore une nouveauté. Alors, c'est pas une nouveauté de nouveauté, hein. Ça a quand même quelques un ou deux mois, cette histoire, peut-être trois mois maintenant, mais en tout cas, c'est un bien bel album que celui de James Wrighton. On va, là, on était vraiment dans des ambiances dans The Rocks très, très éthérées, avec juste piano, voix et des petits oiseaux et pas grand-chose de plus. Là, c'est un peu plus léché quand même comme production, mais le dernier album de James Wrighton est classe. Voilà, je pense que c'est le mot qui lui convient. C'est classe, hein, on a envie de... Et on l'imagine pas en claquette mousse et en jean, vous voyez. C'est plutôt costard, d'ailleurs, il est en costard sur la pochette du dernier album, avec une lumière éblouissante qui lui mange le visage. Et bien voilà, c'est ça, c'est classe. C'est classe comme son costume et une petite pochette. Voici donc Heidi, tiré du dernier album de James Wrighton, et ça donne envie de remuer un peu du popotin. Yeah, I know that you smile. You're tough enough to take on the fight, but somewhere underneath, are you still waiting for another world? And it's funny how you've turned things upside down. It's just the way that it was meant to be. Does it beg a belief? Some days it's too much, but eat it. And greed and bad intentions. et soudain, c'est l'Islande qui vient à nous avec Asgeir à l'instant, tiré de son dernier album. Des belles ambiances sur son album. Lui aussi est capable de faire des morceaux juste voix, guitare, et ça nous colle les poils au garde à vous, mais au contraire de plein d'autres artistes, quand il passe à l'électro et au bidouillage, bah lui, ça lui va vraiment très bien. Asgeir, donc avec Living Water, et juste avant, c'était James Wrighton avec Eddie. Allez, je me dépêche parce que c'est bientôt fini. À 21h, l'émission se termine. Je dois nettoyer le petit micro, le petit clavier, conditions sanitaires. Eh bien, on va continuer avec un extrait du dernier album d'Agnès Obel. Alors, Agnès Obel a sorti un deuxième mini-album dans la suite de Myopia, qui est sorti juste il y a quelques semaines de cela, un mini-album entièrement instrumental. Eh bien, il y avait déjà des morceaux instrumentaux sur l'album originel. On va s'en passer un maintenant. Agnès Obel est toujours, puisqu'on était en Islande, là voilà, on va encore au nord un petit peu, des paysages magnifiques, glacés, et imaginez des fjords comme ça, à perte de vue, ça me rappelle les petites vacances hein, en Norvège, ça c'était bien, hein. Voilà, c'était bien. Agnès Obel, donc, avec le morceau Drozira. Et puis, juste après, eh bien, je ne vous dis pas, vous allez reconnaître. It's alright. À l'instant, c'était évidemment Pearl Jam tiré de leur dernier album avec une petite merveille qui s'appelle All Right. Il est bientôt l'heure de rendre l'antenne sur On The Rocks. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission dans quelques jours, allez, mercredi, sur le site www.ontherocks.net dans l'onglet émission récente et en rediffusion à Zef. Sur Zef à Blois, on va se terminer avec une chanson des Beatles qui aurait pu figurer dans la setlist de l'émission de la semaine dernière, qui était une émission en hommage à ceux qui luttent contre le racisme, en particulier aux États-Unis. Et donc c'est peut-être un des seuls morceaux véritablement politique des Beatles, c'est Blackbird. On pourrait croire que c'est un morceau anodin qui parle d'un petit oiseau, mais Paul McCartney l'a composé après avoir entendu parler d'émeutes aux États-Unis lors de luttes pour les droits civiques. Et voilà, donc ce morceau de Paul McCartney, je crois qu'il est dédié d'ailleurs, enfin il est dédié, il a été inspiré d'ailleurs par Angela Davis, je crois. En tout cas, voilà, c'est un magnifique morceau des Beatles, peut-être un de mes préférés de ceux de McCartney acoustique et tranquille. Voici donc Blackbird, tiré de l'album blanc des Beatles, c'était en 1968. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont écouté ce soir à la Fafa Team là-bas du côté de Darvois. Merci à Hugo Ling, merci à tous ceux qui avaient les oreilles, peut-être l'abeille, je ne sais pas. En tout cas, merci à tout le monde et rendez-vous probablement la semaine prochaine, 19h-21h sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. C'était On The Rocks, c'était Manu, bonne nuit. Ah, mais pourquoi ça ne parle pas? Ah, oui, bonne nuit, c'est là. C'était Manu. C'était On The Rocks. Bonne nuit. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the line of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.